Et comment dit-on comme ça? Assis. Attention, il faut insister sur la dernière syllabe. Assis, qui s'écrit A-S-I, avec un accent sur le I. Tout à fait. A-S-I, et on a un accent aigu sur le I. Parce que, sans cet accent écrit, ça donnerait assis. Et on veut dire en fait assis. Le mot pour dire ici, c'est acquis. Comment est-ce que vous écririez acquis? Le son que s'écrit QU devant les voyelles E et I. Donc, acquis, ça s'écrit A, Q, U, I avec un accent. Un accent sur quelle lettre? Sur le I? Tout à fait. A, Q, U, I avec un accent aigu sur le I, c'est acquis. Sans cet accent écrit, ça serait acquis. Alors que c'est bien acquis.